Bonjour à tous, c'est DJ Divi pour One Step in the House, un tout nouveau podcast 100% live où vous retrouverez mes mix ainsi que ceux de quelques guests. On commence tout de suite avec Tiësto In The Dark, on en a là pour une petite heure ensemble. J'espère que ça va vous plaire, bonne écoute. You will see. Just keep on doing me, 'cause

Thank you. De ces derniers mois, la dernière plaque de Don Diablo, toute fraîche venue de Hollande. On l'écoute. Come on! Come on. Le podcast touche bientôt à sa fin. Il nous reste deux petites plaques à passer, dont celle qui arrive juste maintenant, John Dalbach, Blink, vraiment le coup de cœur sûrement de ce mois de juillet. Je vous quitte là-dessus. On terminera aussi avec Xander Van Toorn. À très bientôt, bye bye. Makes you sure something happen.